Lundi 3 septembre, bientôt 19h, promenade chez les arrivants. Les arrivants. Parmi eux, il y a des étrangers, surtout des Arabes, et d'autres moins identifiables, des gens de l'Est, des manouches aussi. Mais la plupart de ceux que je vois, vient de Marseille et des environs. Ce sont essentiellement des jeunes, entre 20 et 30 ans, issus des quartiers nord, ou plus près, de la Cayolle, une cité située à deux pas des Baumettes. D'autres viennent des communes limitrophes ou d'autres villes du département ou bien de la région. Je me rends compte après coup, que je ne décris ici que ce que j'ai vu et côtoyé en promenade. D'autres, sûrement, ne sortent pas de leur cellule et je n'ai rien su d'eux. Beaucoup d'entre eux se connaissent, ou connaissent d'autres détenus déjà incarcérés, qu'ils interpellent. Un certain nombre connaît aussi les Baumettes pour y avoir déjà séjourné, c'est certain. Ils retrouvent là leurs habitudes, comme s'ils regagnaient en ces premiers jours de septembre, leur internat à la fin des vacances. Ils partagent une cellule à deux, voire à trois, et cela les rassure je pense. Je les croise, plus que je les rencontre, lors des temps de promenade, au cours des tours de cour que j'effectue. Nous sommes une bonne quinzaine à descendre, matin et après-midi. Les arrivants bénéficient d'une cour à part, à l'extrême droite du bâtiment. Pour ne pas croiser les détenus déjà incarcérés, nous descendons en premier, après avoir longé un long passage extérieur constamment jonché d'immondices. Des immondices dont on se débarrasse, et qu'on jette depuis les étages, restes de repas, bouteilles plastiques, boîtes de conserve, vêtements sales, et tout le reste. Les autres cours sont encore vides de détenus. Ils descendront après nous. Nous remonterons les derniers, sans les avoir croisés. 3h30 dehors. Deux fois par jour, 3h30 le matin, et 3h30 l'après-midi, ça fait presque trop. Mais c'est l'été, il fait très chaud, trop chaud en cellule, et ça vaut mieux d'être dehors que de rester enfermé dedans, si j'ose dire, puisque d'une façon ou d'une autre, nous sommes enfermés. Pas si sûr pourtant qu'il vaille mieux être dehors en plein été. En effet, les cours ne bénéficient d'aucune protection ni toiture. 3h30 en plein cagnard, ça doit craindre. Mais à mon arrivée, les grosses chaleurs estivales étaient déjà passées. Durant la promenade, les uns marchent, d'autres parlent et se répondent. Par-delà les murs qui séparent les cours, c'est aussi, avec ce rester en cellule, par les fenêtres qu'on communique. Pendant que depuis les bâtiments on s'apostrophe, on crie, on appelle. Les plus agiles grimpent le long des clôtures, jusqu'à hauteur des barbelés pour se rapprocher et pouvoir ainsi mieux converser avec ceux d'à côté. De cours en cours, on s'échange des nouvelles, on se passe du tabac, et d'autres choses encore. On se retrouve. L'agilité de ces jeunes montants l'air me fascine. L'après-midi, quelques-uns en profitent pour prendre leur douche dehors, il y en a qui sont bien équipés les bougres, shampoing, serviettes de bain, voire peignoir et surtout linge de rechange, alors qu'ils viennent à peine d'arriver. On se croirait dans un camp de vacances de l'immédiate après-guerre. Une cour de gravier, trois tables en béton, des douches froides et deux robinets pour des garçons en villégiature. Quelques-uns font même du sport. Quant à moi, je n'ai rien d'autre sur le corps que les vêtements que je porte depuis ma garde à vue, et le slip qu'on a bien voulu me donner lors de mon arrivée. Subrepticement, je ramasse un slip qui traîne par terre, et qui me semble assez propre, je le laverai dans ma cellule, j'ai besoin de me changer. Mes vêtements puent la crasse accumulée depuis les geôles de l'évêché. J'ai pris la décision de marcher, tout le temps que dure la promenade. Jusqu'à en avoir mal aux pieds. Cela me permet de rejoindre ma cellule fatiguée. Cela me permet aussi d'éviter de trop discuter avec les autres détenus. J'essaie de ne pas trop me crisper. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème, ils me respectent à cause de mon âge, de la différence d'âge. Peu sont ceux qui me questionnent sur les raisons de ma présence ici. Lorsqu'ils m'interrogent, je leur dis que je suis là pour faux et usage de faux. Je suis pour eux un ancien. L'un d'eux me surnomme même affectueusement le papy. Toujours le mensonge et la duplicité, quand, comment pourrais-je m'en sortir? S'ils savaient, s'ils savaient. Parmi tous ceux que je croise, un seul me paraît différent. Plus mature. Un grand jeune homme tout maigre, au visage triste, barbu de 3 jours, la trentaine environ. Nous marchons ensemble longtemps. Il me dit qu'il est là parce qu'il a été arrêté, alors qu'il conduisait une grosse moto de 900 cm3 sous l'emprise de l'alcool et du cannabis. Il me dit qu'il a un enfant de 3 ans, dont il s'occupe lui tout seul. Il me dit enfin qu'il regrette beaucoup. Il y a des larmes dans ses yeux. Il désire par-dessus tout sortir en plus tôt. Il doit être jugé en comparution immédiate cet après-midi même. Je lui dis qu'il pourra sûrement bénéficier d'une peine alternative à la prison. Je le sais, tel ne sera pas le cas pour moi et cela est juste. Je tente d'oublier un moment, mon tourment en écoutant cet homme. Il me console de mon sort, en quelque sorte. À 17h30, il fait encore jour. On nous remonte. Je rejoins ma cellule fatiguée, je fais quelques pompes pour évacuer encore et encore. Je suis fourbu. Je prends une douche. Comme je m'en rendrai vite compte, seules quelques cellules, au bâtiment A, là où j'ai séjourné durant le temps de mon incarcération, possèdent une douche individuelle. L'eau est brûlante. Les OXY, abréviation d'auxiliaires, des détenus affectés au service, nous servent le repas dans des barquettes en plastique. La bouffe est bonne. La fatigue m'aidera-t-elle à mieux dormir? Malgré le bruit, je ferme les yeux. Même les portes fermées, les détenus continuent à s'interpeller par les fenêtres au travers des coursives, entre les bâtiments. Tiens, voilà qu'à présent des Roumains se répondent. Dieu, que cette langue résonne, et me rappelle d'autres voyages. Chacun retrouve ici des connaissances, des amis, des complices parfois, des parents aussi. Les Baumettes, c'est bien sûrement une fabrique du social. Il doit être déjà 7 heures, déjà j'ai sommeil, déjà je m'endors. Je sais bien qu'à 3 heures du matin, et jusqu'au moment où on viendra m'apporter de l'eau chaude pour le petit déjeuner, je ne dormirai plus. Mais que faire? Il y a bien un poste de télé dans la cellule, mais dans cette aile-ci du bâtiment, ça ne marche pas. Il me reste un bout de journal, que je lirai et relirai jusqu'au bout de la nuit. J'ai survécu jusqu'à présent. Pourvu que ça dure.